C'est la chienté. Engrenage musique. C'est la chienté, c'est la chienté, c'est la chienté. On chien, on talon, on yanche. Bienvenue chez les chiens de la casse, ici c'est le bazar. Des petites de canet, chez même des bâtards, ouais. Engrenage musique. Bienvenue chez les chiens de la casse, ici c'est le bazar. Les pitbulls canis, chez même des bâtards, wesh. On a les crocs, mais car pas trop au Vietnam. On veut les gros dados et prendre des chaînes en levrette. On a coupé nos laissés, arraché nos muselières. C'est la loi du plus fort et les derniers n'ont plus qu'à se taire. Ils sont tous paniqués et trouvent ça chiant que toutes les nids sont squattés par des chiens méchants. Les chiens errants, barouille pour vétro le bon plan. Attention Marianne, rôde avec ses bergers allemands. Mais qu'est-ce que tu crois? Pitbulls ont du flair, frère. On reste sur nos gardes pour esquiver la fourrière, mais jusqu'à tard le soir, ça se plie, ça boit. Et comme on est des chiens, on parle pas, on aboie. Les chiens starbés sont internés en HP, neutralisés, à goût de médoc pour être calmé. Les bâtards, là, je te parle, des chiens infidèles, des teutres qui veulent tabar, mais devant toi reste nickel. Les chiens galeux sont malades et refilent la rage. Spécial big up pour les sales cabots en cage. Depuis tu nous a broyé, on vient mordre des poings aboyés, lui donner la poids, qu'est-ce que tu croyais? Chaîne de tige, chaîne de mine, chaîne de whiz, c'est la chaîne des sales chiens de flic. Chaîne de vie, c'est la chaîne T. Chaîne de vie, d'équipe et chaîne de vie. À toi flairer de bon coup pour pas être en chien de bif. Chaîne de tige, chaîne de mine, chaîne de whiz, c'est la chaîne T. Sale chien de flic et chaîne de vie, c'est la chaîne T. Chaîne de vie, d'équipe et chaîne de vie. À toi flairer de bon coup pour pas être en chien de bif. Engrenage musique.